Bonjour à toutes et à tous. Nous ressortons donc notre première actualité du mois d'avril qui parlait donc de la frontière entre les États-Unis et le Mexique et le mur qui sera peut-être un jour érigé entre deux. On vous souhaite une bonne écoute. Je suppose que, comme nous, vous entendez souvent parler de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, qui est un des principaux combats du président Trump. Avec ce combat contre l'immigration, la criminalité et le trafic de drogue, qui font partie de ses principaux arguments, le président américain se retrouve à avoir recours à de nombreuses politiques. Que soit envoyer un plus grand nombre de militaires à la frontière, par rapport auquel parfois il faut tenir compte que c'était une pratique déjà employée par Obama, par exemple, ou causer un shutdown de façon à avoir l'argent pour ériger le mur payé par les Mexicains, ce qui est assez ironique. Cette volonté de mur et d'avoir une frontière très physique a créé de nombreux problèmes. Oui, en effet, depuis bien avant son élection, on entend parler de ça. C'était un de ses grands arguments de campagne. Et donc, pourquoi est-ce que tu veux nous en parler aujourd'hui, enfin ce mois-ci en particulier ? Puisque plus récemment, le président américain a annoncé vouloir fermer la frontière avec le Mexique dû, selon lui, au manque de résultats positifs de la part de ses voisins en réponse aux problèmes d'immigration et de trafic de drogue. Fermer cette frontière serait une réelle catastrophe pour l'économie des deux pays. Il est donc finalement revenu en arrière sur ses propos, en donnant notamment un délai d'un an au gouvernement mexicain pour faire les efforts nécessaires. J'ai comme une sorte de déjà-vu, puisque j'ai dit une phrase semblable il y a quelques épisodes. Bon, bref, malgré tout, le président américain a tout de même envoyé 750 agents supplémentaires à la frontière de façon à pouvoir contrôler les passages de migrants, ce qui peut causer des retards, notamment dans le domaine commercial. Bon, alors on connaît assez bien la position du président Trump vis-à-vis de cette question. Par contre, on entend beaucoup moins parler de l'opinion du gouvernement mexicain, raison pour laquelle nous voulons ici l'évoquer. Oui, j'avoue, en fait, on est tellement habitué à entendre l'avis américain et les débats intra-américains qu'on se pose plus la question de savoir ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. En tout cas, en Europe et dans les journaux européens, c'est pas trop ce qu'on lit. En effet. Alors, tout d'abord, vis-à-vis de la réaction directe du président mexicain à ces derniers propos de Trump, il a dit « Je préfère la paix et l'amour et nous n'allons pas confronter le gouvernement des États-Unis ». Un des partis d'opposition considère que cette réaction n'est pas assez forte et trop soumise, et d'autres considèrent que cela transmet un désintérêt vis-à-vis des relations avec les États-Unis. Malgré tout, le ministre des Affaires étrangères a affirmé qu'ils sont prêts à une éventuelle fermeture de la frontière, contrairement au Congrès américain qui a peur des conséquences d'une telle action. De plus, la ministre de l'économie a affirmé qu'il était important de maintenir séparée la question de l'immigration et celle de l'économie. Quelque temps avant tout ça, le secrétaire des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a affirmé au mois de décembre que la construction du mur à la frontière est un sujet interne aux États-Unis, qui n'a d'ailleurs pas été évoqué durant des réunions bilatérales. Il semblerait donc que l'attitude du gouvernement soit surtout une de « wait and see », tout en se préparant préventivement au pire. Mais en dehors de toute cette question, une des principales choses qui m'a attiré l'attention dans mes recherches du point de vue mexicain ont été plusieurs articles évoquant le fait que le mur, en réalité, existe déjà en grande partie. Il y a notamment un article de BBC Mundo de janvier cette année qui a fait un photoreportage pour le démontrer. Selon eux, depuis les années 90, au total, un tiers de la frontière est déjà physique, donc il y a une sorte de mur, même si oui, ce n'est pas toujours un mur en béton de 10 mètres de haut, et qui a déjà été construit donc, par les plusieurs gouvernements qui sont passés, ayant notamment été militarisé dès 1996. Il faut d'ailleurs tenir compte du fait que la question des cartels de drogue mexicains et de El Chapo, par exemple, était en train d'avoir lieu exactement dans cette décennie. Oui, et au centre de la question de la frontière, et tu l'as bien dit, c'est la question du trafic de drogue, même si c'est l'immigration illégale qui a pris le dessus ces dernières années du côté américain. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'immigration illégale et le trafic de drogue, ce sont deux problèmes qui sont liés. Les cartels sont devenus extrêmement riches et puissants grâce à leur trafic de drogue. Ils sont généralement assez violents, voire très violents, et protégés par des politiciens qu'ils ont auparavant corrompus. C'est cette violence, ces inégalités sociales dues à la corruption qui poussent des centaines de Mexicains, mais aussi plein d'autres Sud-Américains qui ont des problèmes similaires, par exemple la Colombie ou le Venezuela, qui entraînent une hausse de l'immigration illégale aux États-Unis. Bon, j'arrête ma parenthèse, mais du coup, là, tu as évoqué le fait que ce mur fasse un tiers de la frontière à peu près. Est-ce qu'il y a des frontières naturelles aussi ? Enfin, je pense à, je sais pas, à des montagnes, par exemple. Oui, absolument. Il faut également ajouter à tout ce que j'ai évoqué la frontière naturelle qui est le Rio Grande. Certes, c'est un endroit de passage de migrants, mais qui reste extrêmement dangereux. Il est très possible de penser que ceux qui sont assez désespérés pour traverser cette rivière le seraient aussi pour passer un quelconque mur. Il y a un autre facteur à tenir en compte. Pour la question de l'immigration, il y a souvent cette fausse idée que les immigrants illégaux sont mexicains. Il y en a, oui, sans aucun doute. Mais souvent, il y a aussi beaucoup de réfugiés qui fuient des guerres civiles, la pauvreté et des régimes répressifs provenant de l'Amérique centrale. Cela veut aussi dire que c'est un problème auquel le Mexique lui-même doit faire face. Et dans ce cadre, le pays est très impliqué dans la politique régionale, comme le démontre ce soutien aux plusieurs négociations de paix qu'il peut y avoir. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le Mexique, notamment après les attentats du 11 septembre où la politique et les objectifs américains ont changé, a adapté sa politique migratoire en mettant en place le Plan Sur qui, et je cite un rapport du Crisis Group, est un système de vigilance policière et militaire qui a eu pour objectif de dissuader l'immigration centra-américaine vers les États-Unis en renforçant les inspections routières des véhicules à la recherche de migrants sans papier le long de l'isthme de, et je suis pas sûre de bien prononcer, Tehuantepec, qui est la bande de terre sur laquelle la distance entre le golfe du Mexique et l'océan Pacifique est plus courte. Bon, du coup, est-ce que la politique du Mexique a évolué ces dernières années ou pas ? Oui, alors, en 2014, il s'est avéré que le nombre d'immigrants passant la frontière vers les États-Unis provenait surtout d'Amérique centrale, en dehors du Mexique, bien sûr, et le nombre de Mexicains ayant très fortement baissé et étant même plus élevé dans l'autre sens, donc des États-Unis vers le Mexique. C'est donc initié une nouvelle coopération entre les deux pays, qui s'est notamment faite avec Peña Nieto et Obama, après que ce premier ait été élu en 2012. Et donc en 2014, l'administration Peña a annoncé un nouveau plan appelé Programa Frontera Sur, suite à la déclaration d'une crise humanitaire par les États-Unis. Ce programme a pour un de ses principaux objectifs la protection des migrants et surtout des migrants mineurs. Bon, je ne vais pas ici rentrer davantage dans les politiques migratoires mexicaines puisque ce n'est pas non plus le sujet, mais cela permet de voir comment le Mexique a réagi au fur et à mesure aux politiques américaines, coopérant ainsi à chaque fois avec eux, du moins par rapport à ce qu'on peut voir. Bon, après ça, Peña Nieto avait invité Trump dans son pays lorsque celui-ci était candidat au présidentiel, ce qui a d'ailleurs été très mal vu par l'opinion publique mexicaine, à tel point que le ministre des Affaires étrangères, Luis Videgaray, a dû démissionner. Leur objectif, au président et au ministre des Affaires étrangères, était de pouvoir maintenir les relations avec les États-Unis. Le gouvernement mexicain a ainsi fait en sorte de continuer à aller dans le sens de Trump et des États-Unis, de façon à pouvoir maintenir les relations. Le nouveau président, Andrés Manuel López Obrador, n'est rentré en fonction que le 1er décembre 2018. Il est donc encore beaucoup trop tôt pour pouvoir avoir une réelle opinion ou critique constructive sur ses actions vis-à-vis des États-Unis. Comme je l'ai évoqué, quant aux dernières affirmations de Trump, il semble adopter une position de « wait and see », et qui n'est probablement pas si mauvaise que ça, sachant que le président Trump change souvent de position et d'opinion, comme a été ici le cas d'ailleurs. Oui, donc en fait, il y a une certaine continuité dans la politique mexicaine vis-à-vis du mur entre le Mexique et les États-Unis, enfin le mur ou la frontière finalement. Oui, et juste avant qu'on finisse cette chronique, il y a une question que j'ai trouvée très intéressante et que j'aimerais évoquer. C'est l'avis de ceux qui habitent à la frontière. Alors, revenons chez les Américains. Malgré le fait que le Texas soit vu comme un État ayant majoritairement voté Trump, la majorité n'est pas aussi forte qu'on pourrait le croire. Bon, tout d'abord, il y a eu un peu plus de 40% d'abstention, ce que je trouve toujours intéressant d'évoquer. Et Trump n'a gagné qu'avec un peu plus de 52%. Puis quand on regarde une carte des votes des counties qu'on mettra en bibliographie, on voit qu'à la frontière, les counties qui sont à la frontière ont en réalité voté pour Clinton en majorité, et parfois même en énorme majorité. Je vous conseille réellement de voir cette carte parce que c'est assez impressionnant. Dès par exemple que la frontière est plus du côté du golfe du Mexique, on revient à Trump. Mais dans les 15 counties du Texas qui touchent le Mexique, il n'y en a que 3 où Trump a été majoritaire. Ok, maintenant faisons le test avec les autres États frontaliers. Au Nouveau-Mexique, la tendance ne se vérifie pas, même si c'est équilibré parmi Trump et Clinton dans l'état de façon générale. Dans l'Arizona, c'est pile moitié-moitié entre les 4 counties qui sont frontaliers. Et enfin, en Californie, la tendance se confirme. Tous les counties frontaliers, sans faute, ont voté majoritairement Clinton, tandis que l'État n'a pas en entier voté majoritairement Clinton, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Oui, ça montre beaucoup de choses, en fait, cette carte, et on le dit jamais, mais corrélation ne veut pas dire causalité. Et le fait que les counties près de la frontière n'ont pas voté majoritairement pour l'établissement d'un mur, ben, ça veut dire quelque chose, finalement. Oui, je suis absolument d'accord. Et comme tu l'as dit d'ailleurs, on ne le dit jamais assez. Mais ça, c'est des recherches que je me suis amusée à faire personnellement. Littéralement amusée, j'aime bien faire ce genre de choses. Mais je les ai faites parce que, à la base, j'ai lu dans plusieurs articles que c'était le cas. Il semblerait que, selon une étude réalisée en 2016 par Baselice and Associates dans un journal, pour un journal dans l'Arizona, je cite, plus de 80% des Américains vivant à la frontière veulent qu'il y ait plus d'alternatives pour que les migrants sans papier aient la citoyenneté, et plus de 70% est contre la construction d'un mur frontalier. De la même façon, The Guardian a récemment écrit un article justement sur ça et sur les différentes opinions de ceux y habitant. Beaucoup ne veulent pas de mur et une des raisons, c'est considérer que celui-ci ne servirait à rien vis-à-vis de toutes les choses négatives qui ont lieu. Ce n'est évidemment pas l'avis de tous, comme on a d'ailleurs pu le voir par les votes assez divisés aux élections. Et dans l'article, il y a des témoignages de personnes prêtes à donner une partie de leur terrain pour la construction du mur. Mais j'ai tout de même considéré important de montrer que ce ne sont pas tous, et surtout pas une majorité qui pense comme ça finalement, pas à la frontière. Donc c'est assez significatif. Ben merci beaucoup Carolina. Donc c'était une chronique sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique d'une manière dont vous n'avez pas forcément l'habitude d'entendre.